up. Say don't give up the fight. Until you say, oh, we know where we are going. I see, oh, we know where we are from. Until you judge and take us to the promised land. Until you judge and take us to the promised land. Well, watch your man, are you not here? Cause it's a one gone clear. Are you not know? How the world be a show? Are you not here? Cause it's a one gone clear. Exodus, the movement of your people. Exodus, the movement of your people. Cause it's a tribute to Bob Marley. Well, that's a lie. Cause it's a tribute to Bob Marley. Well, that's a lie. Let me say the English did alright. Pas de chichi entre nous, mais des mimi. Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3, 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Il est 19h, nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bon délire. J'espère que vous allez bien chez vous, de l'autre côté du transistor. Moi ça va plutôt pas mal, ma foi. Équipe réduite ce soir, une fois de plus, car Eiki a du boulot et Ghostik est toujours perdu dans les vignes. On est toujours sans nouvelles, pas de fusée éclairante, que dalle. Toujours pas la photo feuille de vigne. Oui, c'est vrai, il nous doit toujours une photo nue avec une feuille de vigne qui cacherait son visage. En tout cas, on les embrasse, s'ils nous écoutent. Et puis tiens, il y a Kougouk avec nous ce soir qui est arrivé pile poil. Comment ça va? Pile à l'heure. Eh bien écoute, j'ai survolé au-dessus de la rocade. La classe. Je suis venu en hélicoptère exprès pour être à l'heure. Oh la classe. Yes, bon comment ça va? Bien. Ok, très voilà. Bavard ce soir. Tout à fait. Bon, t'as joué à quoi cette semaine? Alors cette semaine, moi j'ai fait du Blood Bowl. Oui. Et j'ai fait du Senseiya. Ah oui, contest la semaine prochaine. Tout à fait. Un petit avant-goût, juste comme ça? Non, je préfère garder la surprise pour la prochaine fois. Ok, ça sent pas bon. Alors, je pense que l'émission de la semaine prochaine va être énorme, parce qu'on fait un petit parallèle entre Senseiya et Afro Samurai, qui est aussi une belle merde. On va s'amuser. Que j'ai toujours pas relancé, hein, parce que je suis bloqué à un endroit, en fait, et j'ai regardé plein de streams, je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine, mais j'ai maté plein de streams, et tout le monde est bloqué au même endroit. Voilà. Donc c'est la cata un peu. Bon bref, on verra ça la semaine prochaine plus en détail. Et puis Dandy est là ce soir, comment ça va Poulaï? Bonsoir, bonsoir. Oh là mon dieu, il a sorti sa plus belle voix. Elle a voix Dandy. C'est ça, bon comment ça va Poulaï? Oh ça va, toujours grosse ambiance ce soir. Non, toujours un petit peu, on va dire sous anxiolytique. non, mais j'aurais besoin d'un petit peu de vitamine je pense. Parce que j'attaque la période de fin d'année. On le sait, dans le commerce, c'est un petit peu rude. L'Infernal le sait tout aussi bien que moi pour y avoir travaillé. Et oui, parce que tous les ans à Noël, je travaille à la boulangerie Bano qu'on embrasse. Hein. On embrasse tous les boulangers qui nous écoutent. Ça fait 2 jours que j'ai reçu les premiers catalogues de jouets. C'est vrai? Ah putain, c'est parti. Ah ouais, moi j'adore, enfin, moi je suis totalement fan. Tu sais qu'avec ma chérie, on découpe les trucs et puis après je lui mets dans une enveloppe. Ah ouais, grave, on le fait tous les ans. Mais bizarrement, tu vois, l'année dernière, j'avais demandé un trampoline et un toboggan. Je les ai pas eu. C'est peut-être à cause de l'appartement aussi. Moi, j'ai intercepté ça dans la boîte aux lettres, ça a été direct à la poubelle pour pas qu'on tombe dessus. Pauvre gosse. Bon, t'as joué à toi. J'ai joué à moi, ouais. J'ai joué avec mon joystick, hein, tranquille à la maison. Mais il n'y a pas de mal. Non, écoute. Ce n'est pas ça. Non, oui, j'ai joué. Alors, j'ai pu être un des heureux élus qui a pu tester Rainbow Six Siege. Oui. La bêta, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Plus en détail, donc franchement... Qui a été prolongé, si je me m'abuse. Qui a été prolongé, justement, jusqu'au 1er octobre, suite à des petits problèmes dont je vous ferai part aussi tout d'accord. À l'heure. Yes. Et il me tarde déjà les DLC, moi, Rainbow Six fauteuil. guéridon, tout ça, canapé. Je sais pas. Ouais, Rainbow Six canapé, qui peut être pas mal. Walking chair aussi. En multijoueur, pour pouvoir jouer à plusieurs chez soi. En écran splitté. Et puis, vu que vous me le demandez, eh ben je vous le dis. Bah moi j'ai passé une semaine de vidéoludique de déglingo quoi. Alors là les auditeurs qui me connaissent pas personnellement vont halluciner, ils vont se dire c'est pas possible ce mec et il fait rien d'autre. Ce qui est pas faux tu me diras. En ce moment je fais pas grand chose d'autre. J'ai fini Killzone Shadowfall sur PS4. Ouais, non, j'avais envie de me le refaire. On l'a fait en stream chez nos amis de Geek Inc. On l'a fait en stream, c'était très bien. Je me rappelle plus à quel point ce jeu était bon et beau. La folie pure, hein, le Shadowfall, exclusivité PlayStation 4, une tuerie. J'ai joué à Afro Samurai, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, je suis au 6e chapitre sur 10, parce que je suis bloqué, en fait. Je sais pas ce qu'il faut faire, parce que c'est tout en anglais. La langue de Shakespeare. Donc voilà, j'ai joué aussi à The Book of Unwritten Tales 2, une petite pépite que nous a déniché Bibine. Tiens, on l'embrasse, il doit nous écouter normalement. Bisous fiston. Il nous écoute depuis quand? Ah oui. Bah, depuis plusieurs mois déjà. Oui, c'est ça. Je voulais la faire de voix et puis bon. Non, The Book of Unwritten Tales, qui est un petit jeu d'aventure assez sympathique dans l'esprit des Chevaliers de Baphomet, qui est énorme. On trouvera un moment pour en parler, parce que là on a un gros programme, hein, jusqu'à Noël. Chaque émission on a un truc de ouf de prévu, hein. Mais on trouvera un moment pour vous en parler. J'ai joué à Blood Bowl aussi avec l'ami Kogo, on va vous faire le test tout à l'heure. Et puis j'ai joué à Sleeping Dog aussi, tiens. Je suis parti, Goustic m'a redonné envie et puis je suis parti à faire le platine là. Et quand Goustic me donne envie. Oh putain, tu sais très bien que je ne peux pas m'arrêter. Donc ouais, je suis parti à faire le platine, donc pas mal. Après c'est chaud, le truc c'est que c'est un monde ouvert, donc il y a énormément de choses à ramasser. Mais je m'y tiens bien et franchement j'avance beaucoup et ça c'est cool. Il doit me manquer 4-5 trophées pour le platine. GG. Carrément. Et puis voilà, c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Et tiens, pour ceux qui ont la PS4, il y a aujourd'hui même la démo de Uncharted. Je crois que c'est un passage du 2 qui est disponible sur le store. On parlera un petit peu du store tout à l'heure, parce que demain il y a une mise à jour qui est prévue pour la PlayStation 4. La 3.0. Exactement, et qui apporte pas mal de nouveautés et qui devrait nous plaire, Kogo, en plus. On débriefera ça tout à l'heure. Allez, dans cette émission, qu'est-ce qu'on y fait? On va se faire toutes les jeux vidéo de la semaine. On va s'écouter du son. À la nuit, on va s'écouter Amon Tobin avec Nightlife. Tiens, s'il m'écoute, petite dédicace à mon poteau Vincent, qui m'a rafraîchi la mémoire. J'avais complètement zappé ce morceau, alors que j'étais complètement fan pendant des années. Et puis voilà, il me l'a repassé samedi soir, donc non, vendredi soir. Et du coup, on se le met ce soir. Et puis, on va s'écouter aussi Michael Moore. Alors, attendez, j'ai pas noté le nom du saumore. On va s'écouter Michael Moore avec Can't Hold Us Fit Ray Dalton. Pardon? tu sens ma peine quand il dit. Tu sais que j'ai failli lire officielle musique vidéo en plus. Non, on va s'écouter Michael Moore avec Can't Hold of Us. Can't Hold Us. Voilà. Ah oui. Vous verrez qu'il dit beaucoup mieux dans la vraie chanson. Puis voilà, c'est à peu près tout. Après 20h, bah, pas de coup de fil du PNJ, parce qu'Anthony est à l'autre bout de la terre. Il est parti à Agen faire sa formation, mais la semaine prochaine, il m'a dit qu'il serait là. Par téléphone, du coup, un vrai coup de fil du PNJ. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils partaient à Agen, qui sont jamais rentrés. Il y a des bêtes. Faut faire attention, là-bas, il y a des bêtes. C'est comme à Dijon. Et puis après 20h, on se fait le test de Blood Bowl 2. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Sans oublier, tiens, j'ai complètement zappé. Après le Scud, on va quand même se faire un petit débrief sur la bêta de Rainbow Six Siege. Oui. Parce que moi, ça m'intrigue. Et puis, vu qu'on a le temps, vu qu'on est que trois, on se fera peut-être un truc. J'ai prévu un petit bouche-trou, on verra. Oui, un bouche-trou. Un petit truc à trois, bouche-trou. On fait par la radio? Oui. Le bouche-trou normand, ça s'appelle. Donc on fait ça, quoi. Voilà. Puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. La voix du geek, la voix avec un E. N'hésitez pas. Moi, je dirai tous vos messages. N'hésitez pas à tweeter en live. On s'envoie la musique des news. Oh, oui. Allez, c'est y part. Et ben qui s'y colle, tiens, comme vous voulez. Bah, moi, une petite news, une petite commémoration. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans. 20 ans que je suis devenu un homme. Joli. J'ai quitté une japonaise pour en rencontrer une autre il y a 20 ans. Et depuis, je ne l'ai plus jamais quittée. Je suis toujours avec elle. Tous les jours, je pianote dessus. C'est les 20 ans de la PlayStation, messieurs dames, aujourd'hui. Exactement. Voilà, il y a 20 ans, j'ai quitté Nintendo pour basculer le grand écart, pour jouer dans la cour des grands, ceux qui avaient des poils. Et voilà, donc aujourd'hui, je commémore avec tout le monde. C'est un peu mon anniversaire, c'est un peu votre anniversaire et c'est l'anniversaire de tous ceux qui nous écoutent ce soir. Voilà, c'est l'anniversaire, ce sont les 20 ans pour les premiers gamers de PlayStation. Donc voilà, bon anniversaire à vous tous. Je voulais au moins commencer par là. Non, mais carrément, moi la PlayStation, je sais qu'à l'époque, j'étais au collège, il y avait vraiment deux clans dans la cour de récré. Il y avait vraiment ceux qui étaient abonnés à Nintendo Magazine, à Nintendo 64 Magazine. Et puis ceux qui attendaient, parce que la 64 est sortie un tout petit peu avant la PS1, et ceux qui attendaient la sortie de la PlayStation 1, première du nom, parce que c'était pas la One, hein, pas encore, c'était la PlayStation 1. La PlayStation 1, c'était la réédition où elle était beaucoup plus petite, un peu blanche, gris pâle. Et donc voilà, moi j'y avais joué chez un pote, je me rappelle très bien, et j'avais vu Wipeout, et j'avais halluciné. Ah oui, et puis vous rappelez, il y avait les petites démos là, avec le T-Rex et puis la Remanta et tout. Enfin bref, c'était l'avènement du CD. Donc voilà, franchement, PlayStation, tu l'as eu toi, Dandy? Non, du tout. Bah moi, forcément, j'ai connu les jeux vidéo chez un cousin. J'étais tout petit, j'ai vu la Super NES. Je savais pas y jouer, mais j'adorais. Et ma première console que j'ai eue à la maison, ça a été une Sega Mega Drive. Ah joli. Alors c'est pareil. Il y avait deux écoles. Et ouais. Franchement, j'avoue, pas mal. Mais t'as été jusqu'au Mega CD. Mais très dur. Non non. Après j'ai eu la 64. Et en grandissant, ben, j'ai acheté les anciennes. Yes, moi la PlayStation 1, je l'ai eu en achetant la One justement, la PlayStation 1, donc le modèle un peu plus rond là, la réédition en fait qu'ils avaient fait. Sinon, j'ai joué chez des potes. Mais grande claque, hein. PlayStation, voilà la première. Ah, moi, je me rappelle. On peut citer le nom de la boutique puisqu'elle n'existe plus. Ah, oui, même oui. La franchise n'existe plus. Ça s'appelait Ultima Games. Oui, oh putain, oui. Et donc en vitrine, sur un écran 55 cm cathodique. Wow. Tourner en boucle la démo de Ridge Racer. Ah ouais. Et avec mes potes, on était devant la vitrine et on disait, le jour où on peut jouer à ce genre de jeu chez nous, on quitte plus la maison. Et ben c'est ce qu'on a fait. On a plus quitté la maison. Nos parents nous ont émancipés à force. Mais c'est vrai. Bon, aujourd'hui, forcément, avec l'évolution, on en rigolerait si les jeunes d'aujourd'hui tombaient là-dessus. Mais à l'époque, c'était tellement révolutionnaire, des jeux comme ça de voitures en 3D. T'avais des vues cockpit. Ah ouais, truc de ouf. Enfin voilà, c'était la révolution. On était dans le turfu déjà il y a 20 ans. Quoi. Mm. Ah non, mais exactement quoi. Bon, en tout cas, voilà. Justement, pour rebondir sur ça. Il y a pas longtemps, Nintendo. Alors là, les gars, accrochez-vous. Bon, j'ai peur. Voilà les rides. Nintendo a fêté ses 146 ans. Ah, joli, ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors pour et ceux qui sont toujours là, et c'est un beau parcours. Ouais, hein. Bon, Triche, c'est jamais le même hein, qui a la tête. Oui, oh, bah en t'imagines. Même temps, le mec 146 balais, balèze, hein. C'est Dracula le type. Alors pour les auditeurs qui hallucineraient sur la date 146 ans, bah, mais attendez, le jeu vidéo ça n'existe pas depuis Patacoufin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nintendo, avant de faire du jeu vidéo, faisait des cartes à jouer. C'est ça. En plus cochonne. Alors pas dès le début, hein. Pas au début. Au début, ils ont fait des cartes à jouer. Alors parce que j'ai lu un peu l'histoire, mais je pense que toi aussi. Oh oui. À la base, ils ont fabriqué des cartes à jouer pendant les périodes de guerre. Pour les prisonniers qui jouaient dans leurs cellules, etc. Donc ça part vraiment peut-être d'un truc, d'un contexte historique. Et puis après ils sont passés, ils ont fait de la bouffe, ils ont fait des céréales, ils ont eu des bars à hôtesse aussi. Et voilà, ils ont parce que j'ai eu Mario à manger à la maison la semaine dernière, il me l'a dit. Ils ont fait des love hotels, ils ont fait des taxis, ils sont passés un petit peu partout. Mais tout ne leur a pas réussi, ça se voit. Hein. Le jeu vidéo reste leur meilleure réussite. Oui, c'est à l'heure actuelle, comme les cartes, hein, parce qu'aujourd'hui encore, je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs qui les recherchent. Et ça vaut une fortune ce truc. Après, on le sait, un Nintendo, toute ta vie, ça restera collector. Hein. Surtout s'ils ont fait des éditions cartes à jouir. Spécial Love Hotel, quoi. Et donc, ouais, donc la petite news du jour concernant, bah voilà, j'ai fait la jolie transition, t'as vu d'ailleurs. C'est vrai. Nintendo donc a affirmé officiellement que allez c'est bon pour tous les fans qui attendaient pour tous les fans qui attendaient le jeu Zelda, ils ont dit bon vous allez attendre encore un peu mais en attendant on vous annonce il y a un film Zelda ils sont forts en tournage quand même. Ah ouais, il y a un film Zelda en tournage. En tournage peut-être pas, mais en tout cas ils sont déjà en train de faire le casting et compagnie. Et ils ont bien précisé que, alors c'est là aussi où je pense qu'il va y avoir débat, qu'ils voulaient que le personnage de Link, donc le personnage principal, soit joué par une fille. Oh. Eh oui. Mais avec des attitudes un peu, comme ils disent, boyish. Donc en gros, un petit peu masculine, tu vois. Une okay. Nana, Diams, un peu <C'est> la boulette. La boulette, tu sais en. Écoute-moi bien, la conte Taras, tu vas me filer l'épée de suite, quoi. Donc non, mais bon après, ils ont dit, ce sera pas, ils veulent pas faire un casting avec des Japonais parce que c'est trop. Je pense qu'ils ont compris que c'était trop pas kitsch, mais enfin ça se voit trop, enfin c'est trop catégorisé. Ça se fait se brider asiatique. Un peu, je trouve. Je suis en forme. Donc voilà, ils ont décidé de se débrider pour le coup et de peut-être voir un petit peu sur le continent américain ce qui se passait. Donc pour trouver une actrice pour jouer Link. Ok. Et non pas Zelda. Et oui, ceux oui, qui oui. Confondent. Et oui, non, mais exactement. Et puis tiens, on va rester un peu, on en parlait un instant, chez Sony. Du coup, Sony a déclaré qu'il serait pas contre le retour de Wipeout. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Bah, en même temps, sur PS Vita, il y a pas longtemps, ils en ont refait un. Hein. Ouais, il y a pas longtemps, ça commence un peu à... Ouais, mais bon, c'est pas comme s'ils avaient enterré la licence. Non, non, mais bon, beaucoup de gens, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Wipeout, c'est un petit peu la vitrine technologique pour chaque console PlayStation, et chaque PlayStation a eu son épisode. On en est quand même à la PlayStation 4, et il y en a pas. Donc, plein de gens se posaient la question, et en fait, leur ont demandé, et ils ont dit clairement qu'ils étaient pas contre le retour de la licence Wipeout. Moi, je sens bien un petit Wipeout Morpheus, tu vois. Wipeout VR, ouais, quoi. Vendu avec des cachets de vos galènes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense que ça se tente. Hein. Je pense que ce serait un bon dos, ça, tu vois. Il nous réserve peut-être ça, on sait pas. Ah, bah, en parlant de l'Oculus et de réalité virtuelle, j'ai vu que ça y est, c'était confirmé. Hein. Minecraft sera jouable à l'Oculus. Ouais, ça se tente. Moi, ça me dit bien, quoi. Ouais, après, niveau immersion. Ah, si, si, si, si. Ah, moi je suis client de ça. Ah, moi j'ai déjà la nausée, hein. Rien qu'à imaginer les cubes de partout. Ouais, je sais pas, faut voir. Ouais. Faut voir. Donc voilà, tiens, bah, Kogu enchaîne hein, si tu veux. On a le temps. Où est-ce que vous serez du 8 au 12 octobre prochain? À Animasia. Eh oui. Entre autres. Où est-ce que vous serez quand on sera rentré d'Animasia? Mais ça serait pas devant la console pour jouer à la bêta de... Moi je crois bien que ça sera devant la console. Oh putain, oui. Ah oui, bah oui, bah oui, oui, oui, oui. C'est tombé. Donc bêta ouverte du 8 au 12 octobre pour enfin voilà toucher le Battlefront. C'est un fragué du Wookie. Ah ouais, non mais grave, Star Wars Battlefront. Et oui carrément, en plus je l'avais noté sur l'agenda et oui. Vous imaginez tout ce que j'ai organisé pour le week-end de mon anniv quand même. Un salon Animasia sur Bordeaux, une sortie mondiale de Battlefront. Et il fait pas les choses à moitié. On plaisante pas, hein, la voix du geek. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que voilà, ce Battlefront, il est jouable pour tout le monde. Et ça, j'allais dire, c'est une grande première, pas forcément, mais pas loin, parce que souvent, c'est pour avoir accès à la bêta, il faut aller sur le site de Jean-Claude Biguine, télécharger 8 coupes afro et puis machin. Avoir préco le jeu, avoir voilà, versé des arts, envoyer les tickets de caisse et puis les codes-barres de tous les jeux Dice. Depuis 1912, enfin tu vois, et là on y a accès gratuitement. Je pense qu'ils vont pas comprendre, va y avoir un flux de téléchargement de ouf. Hein. Oh, bah, je pense qu'ils ont préparé quand même, en tout cas je le leur souhaite, hein, parce que va y avoir du monde qui vont débarquer. Déjà au téléchargement, pensez pas y jouer au moment où vous allez télécharger le fichier, je pense que ça va un peu coincer. Ouais, voilà. Ouais. Que déjà, connais un peu le poids du fichier parce que. Non, pas encore, mais après, enfin, même si le fichier est pas très gros, il suffit qu'on soit à peu près 400 millions à essayer de le choper en même temps dès sa sortie. C'est ça. Ouais. Ça a coincé. Eh ben oui. Il va y avoir du monde, ouais. Bon, en tout cas, on vous racontera tout ça, on fera des streams dessus, bien entendu. Oh oui. Vas-y, Dandy, je t'en alors, prie. Alors là, je vais faire un petit peu référence à ce qui s'est passé vendredi soir. On a fait un petit peu la teuf. Non. Avec la voix du geek dans notre vie privée. Mais bon, voilà. Hein. Libre à toi de raconter un petit peu. Oui, non, bah voilà, ouais. je me suis paxé, voilà, avec ma chérie. Bravo. Oh. Donc, ça, c'est ce qu'on dit toutes les auditrices qui ont entendu cette annonce. Oui, c'est vrai. Qui est en train de gratter à la fenêtre du studio. Ah, c'était ça. Ah, elle se barre là. Elle s'en va. Oui, donc tout ça pour dire, on a fait un petit peu de jeux vidéo pour être original à cette soirée. Et nous avons joué donc à Injustice. Ah oui, mais toi tu n'étais pas là, c'est dommage. C'est ça. Voilà, donc on a joué à Injustice. Et là, l'ami Goustique nous dit, tout vénère, ouais, je comprends pas. Ils ont toujours pas fait de jeu Marvel où on peut se casser la gueule. J'aimerais bien avoir Rocket Raccoon pour pouvoir défoncer du Groot. Ah ouais, ça serait énorme. Ou Iron Man, ou tu vois. Et ben voilà. Et ben alors, je peux te le dire, mon petit Goustique. Je m'adresse à toi en particulier, à tous les fans Marvel. Moi, je serais lui, je mouillerais les couches là. Attends, je coupe la zic pour que ça soit encore plus solennel. Ça existe pour de vrai. Et fait exprès, en plus, j'ai eu la pub qui m'est tombée sur le coin du nez il y a pas longtemps. Alors, par contre, c'est un jeu smartphone et tablette. Bon, je remonte la musique alors. C'est un jeu smartphone et tablette, mais ça a typiquement la tronche d'un Injustice. C'est foutu pareil. Ok. Donc dans le petit extrait que j'ai pu voir vidéo, tu vois littéralement Rocket Raccoon qui est en train de mettre la misère à, je me rappelle plus son nom, à son capitaine de Gardien de la Galaxie là, le héros Star-Lord. Star-Lord, voilà, excusez-moi. Donc tu vois, il met la misère à Star-Lord et il commence à vouloir faire un finish, tu vois, en lui pointant le gun dessus, puis Star-Lord lui fait... Puis donc du coup il baisse le gun et puis en fait il commence à monter un pur truc, un bazooka, et il le défonce comme ça, tu vois. D'accord. Mais putain, c'est à la Injustice. Et donc, les Kiki, si vous voulez jouer à un jeu de combat Marvel avec des mecs qui se tabassent et qui se mettent grave débranlés, eh ben c'est sur smartphone et tablette, et c'est sur Android. Alors je suis pas sûr que ce soit sur iOS. J'ai pas eu l'info, mais j'ai vu en tout cas partout Android. Et juste question, ça coûte combien, hein? Alors j'ai pas vu le prix, je sais même pas si c'est pas une appli gratuite. Alors c'est peut-être un free to play où tu dois acheter des persos, peut-être des, tu vois, comme il y avait eu avec Mortal Kombat, où t'achètes peut-être des fatalities, ce genre de truc. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, pour les fans de Marvel, je pense que ceux qui le connaissaient pas, ça peut être sympa. Yes. Allez, moi tiens, j'enchaîne avec une nouvelle qui va piquer un petit peu. Et oui, parce qu'aux États-Unis, le mois prochain, YouTube devient payant, mesdames, messieurs. Ouh là là. Ah ouais. Et puis alors attention, c'est 10€ par mois. 10€ par mois pour naviguer sans publicité. Alors attention, hein, c'est pour l'instant aux États-Unis, mais bon, ça va arriver en France d'ici peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, s'ils font un service payant à 10€ par mois pour naviguer en toute tranquillité, ça veut dire que la version gratuite va être daubée, quoi. Faut s'attendre à des pubs 10 fois plus que maintenant, quoi. Alors voilà, Adblock, je sais pas si c'est légal au final, mais ils vont avoir une recrudescence de téléchargement, ils vont pas comprendre, hein. Mais voilà, donc je sais pas, vous êtes prêts à payer? Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ils ont mis en place aussi un autre truc, mais je me rappelle plus du nom, de vidéo, de musique, pardon, genre comme Deezer un peu, pour 10€ par mois. Vous serez prêts à payer, vous, 10 non. balles? Non, clairement pas. Bah après ça va rentrer un petit peu dans, enfin dans la mouvance du truc, puisque déjà ils ont sorti donc YouTube Gaming là, oui, pour qui va être d'ailleurs disponible sur le firmware 3.0 ouais, de la PS3, on en parlera tout à l'heure, dès demain, la PS4 de la PS4 pardon, et donc on va pouvoir streamer directement depuis sa Play, notamment donc sur la plateforme YouTube, et tout comme faisait Twitch et comme faisait Ustream, eux qui ont des versions qui sont premium, qui sont à abonnement également, c'est un peu moins cher que YouTube quand même. Mais voilà, je pense qu'ils ils se mettent sur ce format-là, ou si on veut une version correcte, une version paramétrable, une correct version sans pub, eh ben voilà, va falloir mettre la main au porte-monnaie maintenant. Ouais, alors le problème, c'est que pendant un temps, alors je sais pas si ça a été oublié ou pas, mais ils commençaient même à dire que les youtubeurs en gros qui postent des vidéos sur YouTube, s'ils ne payent pas, toutes leurs vidéos seront en mode privé. Donc en gros, elles seront pas sur YouTube, quoi. C'est une blague. Non, les montrer à des potes en montrant ta page. C'est quoi cette connerie? Parce que c'est aussi grâce aux youtubeurs, grâce aux mecs qui font du visionnage et qui arrivent à créer du flux sur les vidéos, que YouTube aussi a grandi et ce qu'il est aujourd'hui. Eh ouais, mais bon. Et aujourd'hui, si tu vas parler à les grands youtubeurs aujourd'hui, si on leur demande de payer 10€ par mois pour avoir leur truc public, oui. C'est pas eux qui vont être embêtés. Par contre, toi demain, tu fais un let's play, tu fais une démonstration pour comment avoir tel ou tel trophée. Bah, si tu payes pas tes 10€ par mois, toi tu pourras montrer ta vidéo que sur ta page. Moi YouTube, j'ai complètement abandonné, hein. J'ai fait des vidéos YouTube pendant presque 2 ans, au rythme d'une par semaine, ça marchait pas si mal, mais j'ai arrêté, quoi. C'est trop de boulot pour ce que c'est, quoi. T'es noyé dans la masse, clairement. Moi j'ai complètement abandonné l'idée, de faire des vidéos YouTube, quoi. Maintenant ça me sert plus de comment on appelle ça? Bah, de cloud, en fait. Oui, c'est ça. De stockage, quoi. Tu stockes tes vidéos là pour les montrer à tes petits-enfants plus tard. C'est ça. Regardez ce que grand-papy faisait. Exactement. Exactement, quoi. On est d'accord. Bref, et puis tiens, juste une parallèle, comme ça j'en profite pour dire celle-là. Et maintenant, Twitch permet l'upload, lui, de vidéos de l'extérieur, donc comme YouTube. Ah ouais. Donc vous voyez le délire? Maintenant, c'est Twitch qui va se mettre, on va pouvoir uploader les vidéos qu'on veut. Donc on va pouvoir devenir Twitcher. Ah bah oui. Voilà. Allez, vas-y, Kogu. Oui, également, pour revenir sur Uncharted, on vient d'apprendre que, comme il est aussi de mouvance, il va y avoir un gros patch Day One pour le jeu. Alors, les pourquoi, le comment, de pourquoi ça n'a pas été fait. Ils ont oublié de mettre les textures, en fait. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Sérieux? C'est un patch qui va améliorer la qualité graphique, parce que tout le jeu va tourner en 1080p 60 fps. Chaque opus, et donc du coup, un petit patch un petit peu qui va remettre tout ça d'aplomb. Ah, tu parles de la collection? Oui, de la collection. Okay. Non, de la collection, pas du 4. Hein. Ok. Donc voilà, un patch et le jeu, il me semble, sans dire de bêtises, qui devrait peser quelque chose comme 6 à 8 gigas. Pas énorme, hein, moi je trouve, pour 3 opus. Le patch? Ah non, pas le patch. Non, non, non, non, il pèse une cinquantaine de gigas. Hein. Ah non, ça c'est le jeu, c'est pas le patch. Oui, oui, le jeu. Oui, ouais. Le jeu. Ah oui, c'est le patch qui a 6 gigas, pardon. Ouais. Parce ouais, que 6 gigas le jeu, les non, 3, non, non. C'est cool quoi. Non, non, c'est 6 gigas, pardon, le patch concernant donc les 3 jeux, et le jeu en effet fera entre 50 et des bananes 2 gigas à l'install. Yes, tiens, je fais juste une petite parenthèse, il y a Kalec qui fait 19h22, je suis à la bourre pour écouter la voix du geek, des bisous à tout le monde, hashtag bisous les Kalec. Potes. Bisous notre Calicou. Ça fait presque fromage. Eh, hey, tu viens, on va manger une tartine de Calicou. Ça marche. Bisous mon Kalec. Bisous à toi, poulet. Il y a demain matin, sois pas en retard. N'hésitez pas à faire comme lui, hein, à nous tweeter, nous on lit tout en direct. Et je fais juste une petite parenthèse une fois de plus, je suis désolé d'Andy. Ouais. En parlant de ça, de Patch Day One, Tony Hawk, qu'on attend pour ce vendredi, qu'on testera dans l'émission bien sûr. Et ben en fait, on a appris que le jeu aurait un Patch Day One de 8 gigas, alors que le jeu pèse 4,6 gigas. Ouais, c'est beau. En fait, ils ont refait un autre jeu. En fait, dans le disque, t'as les graphismes et ils t'envoient le jeu dans le patch. C'est ça. Bien. Alors, un troisième pour les dialogues, si tu veux. On en parle très rapidement, mais en fait, apparemment, tous les tests à l'international du jeu sont bloqués jusqu'à la sortie mondiale. Ah, ça donc, il y a un embargo, on appelle ça dans le jeu vidéo. Et donc, ça sent pas bon, quoi. C'est clair. Je passerai au magasin de chercher. Ouais, bah, j'espère que je l'aurai au moins. Oui, bon. Normalement, oui, il n'y a pas de problème. Et yes. Et puis, bah, écoute, moi, je vais continuer encore à faire un petit clin d'œil, on va dire, à notre goustique national. Parce que je vais parler de Batman. Eh oui, Batman, la face cachée de notre goustique. Alors, à savoir que Warner a communiqué très récemment sur le Batman Arkham Knight PC, qui ont dit, alors j'ouvre les guillemets, la version PC du jeu sera disponible dans quelques semaines. Fin des guillemets. Voilà. Donc en gros, il n'y avait pas de date, ils ont t'es balancé dit. Ça comme ça. Chose qu'ils ont annoncé par contre également, et qui pourra peut-être ravir ou pas les fans de Batman, en tout cas sur les jeux vidéo, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils continueront à travailler sur les jeux Batman. Alors, il n'y a plus Rocksteady. C'est dommage, parce que eux, ils ont fait quand même un bon truc. Ouais. Si c'est du Batman, comme on a eu sur la version Origins, ça... Alors, soit ils apprennent de leur erreur et ça peut être sympa, soit s'ils refont un petit peu les mêmes trucs, ouais, ça va être un petit peu amer, je pense. Ouais. Puis surtout après un Arkham Knight, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. C'était un petit peu la claque. Ouais, moi je sais pas. Ah, je le referai pas. Ah ouais? Non. J'ai bien aimé, mais. Enfin, ouais. Après, je le referai pas non plus, mais. Oh, bah, de toute façon. On a mis une bonne claque. Hein. Bah, on a vu. Monsieur a fait le platine. Ah oui, bah oui, non. Bah... Attends, monsieur platine chaque jeu qui commence. Ah, ouais, non. Ça va, ouais. Et c'est pour ça qu'il a du retard. Donc, genre, en fait, il va faire comme Goustique. La semaine prochaine, il fera le test de Mad Max. Non, mais pas. Yes. Ben, vas-y, Kogu, si tu veux, enchaîne. C'était une petite news ou. Non, là, c'est bon, moi, je suis à jour. Je te laisse dans ta merde. Ok, bon, ben, non, mais j'en ai plein, vous en faites pas. C'était juste, je l'ai réveillé. J'ai perdu ma page. Donc, on parlera de la mise à jour de la Play par la suite. Tiens, si, on sait que Michel Ancel travaille actuellement pour un jeu pour Sony qui s'appelle Wild. Ah oui. Qu'on ouais. Attend tous un petit peu, parce que Michel Ancel, c'est quand même Monsieur Rayman, entre guillemets, Monsieur Lapin Crétin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu Wild où on pourra incarner, alors c'est assez vague, mais on pourra incarner tous les animaux et tous les personnages, du ver de terre jusqu'à, je sais pas, la licorne à trois têtes, quoi. Et le niglou. Et le niglou, mesdames, messieurs. En fait, mon cousin, si on peut incarner un hérisson, mon pote des bombes. Mandel, c'est Lopez. C'est ça. Goustique va kiffer sa race. Eh ben, on sait qu'il travaille sur ce jeu pour Sony. Eh ben, on a appris aussi qu'il travaille pour un très gros projet pour Ubisoft. Un gros triple A. Ouais, alors. Ah ben, alors, ça rejoint peut-être ce que je disais la dernière fois. Comme quoi, Ubisoft m'a balancé une info en me disant. On a une surprise pour Mars. Moi, j'ai fait le parallèle avec Mars. Cette news là, tu vois. De... Ouais. Ouais. Alors, sachant qu'il bosse déjà sur un jeu qui s'appelle Beyond Good and Evil 2, est-ce que ce serait pas ça, la grosse annonce? Parce que c'est un jeu qui est très attendu. On a eu des vidéos un peu avec le personnage cochon. C'est un personnage qui est en cochon, il est pas cochon le personnage. Avec le personnage cochon. Mais non, est-ce que ce serait pas celui-là? J'espère pas. Ah bon? Non, parce que, enfin, j'espère pas, dans le sens où je m'attends tellement à quelque chose d'énorme, ouais, que je voudrais que ce soit au-dessus de ça, en fait. Ah ouais? Oh, moi je l'attends quand même. Alors c'est un jeu qui avait pas eu beaucoup de succès, hein, le 1, qui avait juste eu un succès un peu critique et peu public, Beyond Good and Evil. On incarnait Jade, une petite nana photographe qui devait prendre en photo des espèces un peu en voie de disparition. C'était Emma DeCaune qui faisait sa voix française. Je sais pas, pourquoi pas. Moi ça me botte bien. Oui, moi aussi, ça me va très bien, mais je préférais une plus grosse annonce encore. Ouais, une bonne grosse exclue tout nouveau qui déchire tout. Alors, ce sera pas un Rayman, parce qu'il a dit clairement qu'il bossait pas dessus. Peut-être un lapin crétin. Autant teaser pour des lapins crétins. Lapin crétin, triple A, je suis pas sûr. Eh ben moi, je sens un jeu de déglingo, mon pote. Lapin crétin VR. Wow. T'imagines le truc? Oh, ça sortira de toute façon un jour. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que c'est un jeu, en plus, les lapins crétins, c'est des party games, donc ça se prête bien à l'apprentissage d'une nouvelle plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? On a eu les lapins crétins pour te montrer les mouvements de Kinect, tout ça, tout ça. Alors, c'est marrant. Parce que là, soit je suis en train de vivre un effet déjà vu. C'est la matrice qui se remet en route. Parce que je suis en train de péter un câble, je me dis, putain, ça fait 30 secondes que je t'entends parler, je me dis, il dit les mêmes choses que j'ai déjà entendues. je suis en train de devenir taré là. C'est ce qui s'appelle une impression déjà vue. Ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. Eh ben écoute, ça annoncerait peut-être le Scud. Il s'appelle déjà vu? Non. Ah ben voilà. Déjà vu qui se traduit pas en anglais, qui se dit aussi déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Et ouais, déjà vu. On s'écoute le Scud, on s'écoute Tamon Tobin, tiens, avec Night Laugh. Franchement, ça fait du bien. Ne vous inquiétez pas, vous avez pu entendre, il y a une publicité maintenant. Et oui, nous sommes dévendus, maintenant nous sommes rentrés dans le business, comme on dit, quoi. Non, c'est pas vrai. Ah bah, c'est vrai, on a des billets bien plein les poches, hein. Ah bah, attends, moi je suis venu en hélico, avec Kogu, pareil, quoi. Voilà. La grande classe. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio, et nous on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour en direct. Clément est en train de nous raconter une saloperie. Non mais l'ascenseur émotionnel entre la pub et la musique juste d'avant qui m'a foutu les poils. J'étais hyper angoissé. Bah elle était bien la musique. C'est Amon Tobin. On déconne pas avec Amon. On disait c'était un peu ambiance dandy, tu vois. Ah ouais, c'était ça. Moi je voyais Dandy sur un vieux fauteuil en train de boire un petit brandy. Mais c'était le morceau le plus long de la Terre. 7 minutes. Il vient de s'envoyer un petit tunnel. Merci. 7 minutes. Ouais. Putain, bah, moi je trouve que c'est passé en 2-2, quoi. Ah, mais c'est un morceau qui est magnifique. Bref, allez, on est toujours en direct. Vous êtes toujours dans La Voix du Geek sur Eau de Radio, 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. Dans un instant, le test de Blood Bowl 2. Mais avant ça, Dandy a essayé un petit peu la, alors, comme vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on parle de la mise à jour, comme tu veux. De la PS4, qui a lieu demain? Allez, on commence par ça. Allez. Donc, dans cette mise à jour, donc, attendez, il faut que je ressorte le smartphone. En plus, bah, bon, attendez, laissez-moi deux secondes. Faut que je mette la bande son. Qui a touché les fiches? L'organisation. Eh oui, non, mais attends, parce que moi je tourne avec 17 écrans en régie, hein. Vous le voyez pas, vous, chez vous, mais c'est un truc de... Vrai tour de contrôle. C'est, ah ouais, non, mais exactement. Je pense que je pourrais envoyer un avion, d'ici, quoi. Hop, on va se mettre une petite bande son derrière. C'est la bande son Blood Bowl, hein. Vous inquiétez pas. On est en direct. On est comme à la maison. Donc voilà, là, le patch. Donc la mise à jour 3.0, donc on sait qu'il y aura pas mal de nouveautés là-dedans. C'est une, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'est une mise à jour qui est en bêta, qui pouvait être testée par des joueurs, par des clients de chez Sony. Donc je crois que c'était qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils m'ont pas répondu. Alors je me demandais pourquoi j'avais pas été sélectionné. De toute façon, je suis pas trop fan de ce genre de truc sur une console où t'as un peu toutes tes données, parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui merde. Moi, j'ai peur que ça fasse tout planter. Ah oui, mais bon, ça. Moi, j'ose pas. Tu vois, du bêta sur un firmware, sur un hardware, pardon, j'ai du mal. Bah, au pire, ils t'en offrent une nouvelle, hein. Ouais, mais oui. Attends, quand tu platines des trucs que t'as sauvegardé et tout, non merci, quoi. Écoutez-le. J'ai pas envie, moi. Ah tiens, juste petite parenthèse pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi on peut pas voter pour les jeux du PlayStation Plus de ce mois-ci? C'est normal, ils avaient bien dit au tout début que ce serait de temps en temps. Voilà, comme ça évitera que, avec Bibine, on se posait la question cet après-midi. Et en fait, j'ai cherché un peu et en fait, c'était que de temps en temps qu'on peut voter. Bref, donc ce qu'on sait, c'est que maintenant il y aura un encart événement sur la PlayStation. Donc cette application vous permettra de voir tout ce qu'il se passe dans vos jeux préférés, ainsi que les diffusions officielles. Donc ça peut être pas mal. S'il y a un live stream sur un jeu, on est au courant direct. Ensuite, il y aura un encart nouveauté. Donc les joueurs PS4 pourront créer des communautés basées sur des intérêts communs. Donc ça peut pas être mal, tu vois, au final on sent qu'on va déjà avoir une communauté La Voix du Geek. Mais si ça permet de faire un tri déjà dans les contacts et de ne voir par exemple que les contacts pour tel ou tel jeu, ça sera super bien, parce que quand on est comme l'Infernal, qu'on a à peu près 4000 contacts et qu'on va en chercher un, c'est pas évident. Carrément. Donc ils disent ces communautés bénéficieront d'un forum de discussion dans lequel les joueurs pourront discuter, partager leurs screenshots et rejoindre une partie ou un jeu. Donc voilà, et en plus vous pourrez rejoindre les communautés des jeux que vous possédez directement depuis la page du jeu en question. Donc voilà. Alors là, je lis, hein, c'est officiel, hein, c'est pas une repompe d'un texte, hein, c'est les gars de chez Sony qui ont annoncé ça. Donc ensuite, ce qu'on sait via le PlayStation Plus, donc ça c'est pas si mal aussi. Nous avons créé une section dédiée au PlayStation Plus. Donc là, il y aura un encart PlayStation Plus. Ouais, dans le hub, carrément, un icône rien qu'à lui. Ouais, exactement. Oh. Ouais, bah, carrément. Depuis cette section, vous pourrez facilement gérer les informations du compte, accéder aux jeux gratuits tous les mois, et vous retrouverez tous les jeux PS4 que vous avez récupérés depuis le début de votre abonnement. Et d'ailleurs, en plus, avec cette mise à jour, on aura droit, maintenant à de la sauvegarde en ligne de 10 gigas. Ouais, le cloud passe de 1 à 10 gigas. Ce qui est pas rien. Ah oui. Alors moi, j'ai rien du tout de sauvegardé sur le cloud, j'ai pas du tout le réflexe, en fait. Bah moi, si, je l'ai mis en automatique, hein. T'as sauvegardé, non, quand l'autre jour t'as voulu changer ton disque dur? Non, j'avais sur clé USB. Ah, sur clé USB. Ouais. Okay. Ouais, carrément. Donc vous inquiétez pas, il y a un mec qui a parlé derrière, c'était une pub. Voilà, merci YouTube. Ensuite, ça, ce qui est pas mal, et je pense qu'on va beaucoup se marrer avec ça, avec le compte Twitter, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre, la voix du geek sur Twitter, la voix avec un E, on pourra maintenant partager des vidéos de 10 secondes sur Twitter via PS4. C'est pas énorme 10 secondes, mais bon, c'est déjà bien. C'est comme les Vines, quoi, presque. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est le même principe, je pense. Donc vous pourrez couper et sélectionner 10 secondes à partir de passages plus longs. N'oubliez pas que vous pouvez, d'un simple, on s'en fout. Maintenant, on aura accès à YouTube Live. Donc vous pouvez maintenant streamer vos sessions de jeux sur PS4 directement sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, alors moi j'étais un peu étonné, c'est que sur Xbox One, il y a un encart Twitch, une page Twitch déjà. Nous, c'est très sommaire, hein, ce qu'on peut faire via la PS4 pour les lives. Eux, apparemment, ils ont une vraie la vraie application. Ils ont une application, en fait, Twitch. Donc ça, ce serait bien que ça arrive aussi. Ça pourrait être pas mal. Donc on a ça. Vous pourrez demander une session de jeu en partage. Alors on va en parler du jeu en partage parce que c'est une grande banane. Vous pouvez maintenant envoyer une notification, demander à regarder à l'ami en question pour qu'il commence une diffusion ou une session de jeu en partage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu en partage avec Kogo, on a tous les deux la fibre. À chaque fois qu'on veut le faire, ça nous dit qu'on a une connexion faible, voire très faible. Alors c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir déjà utiliser le SharePlay, donc déjà il faut avoir la fibre. Et c'est-à-dire qu'en upload, il faut, toi tu passais pas, t'étais à peu près à 1.5. Donc il faut au moins entre 2 et 3 mégas en upload pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc c'est-à-dire que si vous êtes avec de la DSL+, pardon, pour les plus chanceux, mais qui est un petit peu poussive, le SharePlay, c'est pas encore ça. Tant que la fibre est pas rentrée dans tous les foyers... Ouais, alors le SharePlay, un petite parenthèse pour ceux qui ne sauraient pas, ça permet en fait, par exemple, Kogu a un jeu, ou Dandy... Moi, j'ai envie d'y jouer. En fait, je peux, si je leur demande, avoir un partage de manette. Donc, moi, je joue sur leur télé. Je vois l'image sur ma télé, mais je joue sur leur console de chez eux. Je sais pas si je suis très clair. Tu streams, en fait, depuis chez toi. En gros, streams tu pirates la console. Alors oui, tu joues à distance. Tu crois pas si bien dire, parce que c'était toi, Kogu, qui m'avait parlé de ça. Il y avait pas un joueur. Si, ça s'est passé. Je crois que c'était un joueur américain qui a proposé donc à diverses personnes de faire du shareplay sur le jeu Destiny. Alors il avait je crois 4 persos qui étaient tous niveau 31, donc des heures et des heures et des heures de jeu, et le shareplay, il n'a pas fait que diffuser l'image de sa partie, il a carrément donné sa manette à un joueur distant qu'il ne connaissait pas. Et ce joueur n'a rien trouvé de mieux que de profiter d'une pause qu'on dit AFK bio dans le jargon. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire aller faire popo. Voilà, il partit faire pipi, le monsieur. Et ben, le gars qui avait la manette du coup entre ses mains n'a rien trouvé de mieux que de lui supprimer ses sauvegardes. Et donc voilà, ce que je voulais savoir, c'est avec le SharePlay, t'as accès au hub aussi? Non, t'as pas accès au hub. Ah, voilà. Tu n'as accès vraiment qu'au jeu et tu peux. Moi, c'était un camarade de jeu qui m'avait fait tester ça sur Far Cry 4 et il était parti promener son chien et il m'a laissé du coup la possibilité de jouer pendant, puisque c'était limité. Alors je sais pas si ça va l'être toujours autant, mais c'était limité à des sessions de 1 heure. Ouais, 1 heure, ouais. Voilà, donc pendant 1 heure, il m'a laissé, il est parti se promener et j'ai joué à Far Cry 4 sur sa console chez lui alors qu'il était à 600 km. Et t'arrives quand même à jouer en bonne qualité ou c'est... Alors tu joues en bonne qualité. Moi, la seule chose que j'ai reproché, mais après c'était dû à l'époque, j'avais pas encore la fibre moi, et il y avait une toute petite latence au niveau de la manette, mais vraiment minuscule. Mais voilà, suffisamment pour que ça te gêne un petit peu dans le gameplay. Mais bon, c'était le tout début de l'histoire. Donc très très bien. Donc désormais, on pourra et également passer sa manette et bah, du coup diffuser, montrer à un pote, montrer à l'infernal ta partie que t'es en train de faire, sans être obligé de lancer un stream. Du coup. Ok. Alors ils ont rajouté en direct de PlayStation, nous avons ajouté la possibilité pour les utilisateurs de voir les diffusions, les clips vidéo, les screenshots les plus populaires dans le monde directement depuis l'application. Ensuite, on sait qu'on pourra, on peut faire des screenshots hein, sur One, c'est la même. Maintenant, on sait qu'on aura un autre format. On pourra les télécharger en PNG. Tout à fait. Oh. Donc, il dit, si vous voulez sauvegarder vos screenshots dans un format de meilleure qualité, vous pouvez maintenant sélectionner PNG au lieu de JPEG. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Share. Tout est expliqué comme il faut. Ensuite, on a un groupe de favoris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous avons ajouté une option pour vos groupes favoris dans l'application Ami. Cette option facilitera l'accès au groupe de joueurs avec qui vous jouez fréquemment. Donc là, je vois déjà la liste. Il va y avoir 4-5 mêmes noms à chaque fois. Ouais, c'est clair. Une fois dans le groupe, vous pourrez voir leur statut s'ils sont en ligne et les jeux auxquels ils jouent, ainsi qu'une option pour envoyer un message ou discuter dans une partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il fallait faire la démarche d'aller chercher le joueur. Moi, j'ai 400, presque 500 amis dans le, sur Play. Pour vous retrouver et tout, à chaque fois, c'est une tannée, quoi. Sachant qu'il faut que ça charge un peu des fois, ça peut être assez long. Cela simplifiera le lancement d'une partie multijoueur en ligne. Et ensuite, on sait qu'on aura l'arrivée des stickers. Enfin, depuis l'application PS4 Message, vous verrez une nouvelle option qui vous permettra d'envoyer des stickers. Si ça, c'est pas un plagiat de Geeking, je dis ça, je dis rien. La mise à jour 3.0 contiendra des stickers des jeux Uncharted 4, Knack, Little Big Planet 3, Resogun et bien plus encore. Waouh. Donc voilà, cette mise à jour sera disponible. Alors, ça dépend un peu. Des fois, ça peut être minuit. Des fois, c'est 16h le lendemain. Je pense que vers minuit, 1h, on pourra peut-être la télécharger. Voilà. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, faut la prendre. Voilà. Donc ça se fera d'elle-même de toute façon. Voilà. Bon alors, On en est au cinquième, voilà. Donc, voilà. Je pense que... ouais. Donc là, voilà. On rend l'antenne. Donc là, je sais pas, Dandy, peut-être tu vas rebondir. Dandy rebondit toujours. Ah oui. Mets-moi un petit son qui sent la poudre. Eh ben il y a ça. Bref. Allez, vas-y, enchaîne. De toute façon, j'ai pas le temps de chercher. Là, allez. Donc le test de Rainbow Six Siege, la bêta. Alors, tout simplement pour vous dire que déjà, ça a été un petit peu compliqué de pouvoir y jouer. Tout simplement parce que j'ai demandé une clé bêta à un moment de ça. Ils m'ont dit, c'est bon, mon petit pote, t'as validé ta clé, y a pas de problème, tu vas pouvoir jouer à la bêta. Il faut savoir qu'elle commençait dès le 24, donc le 24 septembre, normalement jusqu'à dimanche soir. Sauf que Ubisoft s'est rendu compte que c'était un petit peu galère, je pense, au niveau des serveurs. Et ils ont décidé de donner l'accès à la bêta aux joueurs par vague. C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai eu l'autorisation de jouer au jeu et de le télécharger entre midi 12 et 14h. Samedi soir. D'accord. Ils n'avaient pas fait ça pour Splatoon ? Il n'y avait pas un délire de créneau horaire comme ça ? Si, mais en général, c'était plutôt bien géré. Et une fois, s'il y a eu un problème, mais ils ont décalé, au lieu de faire minuit, 1h, ils avaient fait 1h, 2h. Bon, après, voilà. Oui, effectivement, j'ai dû attendre samedi soir pour pouvoir télécharger déjà, parce que j'ai mis à télécharger toute la nuit. Et j'ai pu y jouer qu'à partir de dimanche, donc qui était censé être le dernier jour de la bêta. Donc laisse tomber la frustration. En plus, les serveurs étaient blindés, des déconnexions permanentes tout le temps. Tu lançais une partie, ça te crachait le truc, t'étais obligé de relancer. Impossible d'y jouer. Pareil, on faisait une unité avec mon frère Valézio, je lui fais un bisou kékette. On créait l'unité, on commençait à lancer une partie, et ça crachait. Alors, sur PC, hein, tu jouais. Sur PC, ah ouais, on a préféré PC. C'est le côté un peu, tu vois, fossilisé de Counter Strike. Et d'ailleurs, je vais y venir. Et enfin, on a quand même pu y jouer après de maintes reprises, parce qu'on a senti les serveurs se stabiliser. Donc on s'est dit, ça y est, on va pouvoir y aller. Alors un petit point juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Bon, c'est développé par Ubisoft Montréal. Ça sort le 1er décembre 2015 sur PS4, One et PC. Alors, donc le jeu, c'est quoi ? En gros, on a des unités, on a 5 forces spéciales à disposition, à savoir le FBI pour l'unité américaine, le SAS pour l'Angleterre, le GIGN pour la France. Est-ce qu'ils sont armés, les Anglais ? Parce que les Bobby, ils ont pas d'armes. Ah, ils sont armés. Et bien. Services. Est-ce qu'ils ont la licence to killing? Il y en a, il a un lance pancake. Oh yeah, la classe. Et il met des coups de poil. Et quand tu te fais toucher à la tête, ça te met une moumoute sur la tête. Comme les... Exactement, ouais. Après, on a le GSG tiré du 6, 9. Alors, ça, c'est l'unité allemande. Très compliqué. Sympa. L'unité d'Eric, on l'appelle. Et on a les Spetsnaz, donc, qui sont de Russie. D'accord, ça me fait penser à un sketch de Groland où c'était justement ça et toutes les abréviations c'était des trucs d'alcool. Bah, oui. Et quand la brigade du pastis arrive sur les lieux. Alors, donc, à savoir que dans ces 5 forces spéciales, on a à disposition plusieurs opérateurs. Alors, on a des spécialistes attaquants, Bouygues, SFR, des spécialistes défenseurs. Alors, moi, j'ai pu jouer justement. Alors, j'ai forcément le côté chauvin. J'ai pris l'unité du GIGN à la France. Et ma bonne surprise, comme le dirait encore Goustic, tu vois, on fait que de parler lui, de lui. C'est fou, hein, mais quand il n'est pas là, il nous manque. On a froid surtout. On aime bien se blottir dans ses poils. Mais comme une chaise quand t'es à table, hein, dès qu'elle est pas là, tu vois. C'est vrai. C'est ça. On embrasse toutes les chaises qui nous écoutent. Et donc, attaquant défenseur, je disais, et j'ai eu la bonne surprise de pouvoir jouer un bordelais. Parce que tu peux jouer un bordelais qui s'appelle Montagne, donc le mec costaud, tu vois. Costaud avec le bouclier. Un peu chauve ? Pas du tout, non. Ah non. Non, c'est pas être chebest. Qui sur l'affiche te dit c'est un bordelais costaud machin et tout, donc c'est sympa, t'as un petit truc qui te rappelle que le mec vient du coin quoi. Et donc là on rentre dans le vif du sujet. Donc chaque perso, chaque opérateur a des spécialités précises. Donc là Montagne en particulier avec un gros bouclier donc qui se déplie jusqu'au pied, donc tu peux vraiment avancer en force. T'en as d'autres, je pense au Spetna si je dis pas de bêtises, où il peut perforer un petit mur avec un espèce de lance-grenade, où c'est comme une cartouche que tu mets dans le placo et tu t'en vas et dès que tu l'actives, c'est une cheville molie explosive quoi. Et le truc balance du lance-grenade, et ça pour faire une percée dans une pièce qui est complètement fermée, c'est hyper bien. Donc le mode de jeu, il y en a plusieurs. Il y a libérer otage, installer une bombe, la défendre, ou sinon justement faire l'inverse, essayer d'attaquer pour défoncer les bombes, ou pareil aussi pour éviter que les autres libèrent les otages. Alors à savoir que là dans la bêta, libérer les otages, il n'y avait pas. Il y avait par contre donc planter la bombe et la désamorcer. Et on avait également aussi un mode de jeu donc où on était à 4 contre donc l'IA, où on est tous en gros voilà, des défenseurs, et on doit aller défoncer du terroriste dans la baraque. À savoir donc que ce jeu là c'est vraiment c'est là où on le sent vraiment, c'est un jeu de coopération. Et ouais, tu le fais tout seul, t'es mort, parce que c'est un jeu qui pardonne pas. C'est pas du deathmatch où tu meurs tu revis en 3 secondes. Non, là c'est tu te prends un shoot et ben c'est fini mon coco, là t'attends la fin de la partie. Et ce qui est bien également, c'est que même quand tu meurs, tu peux aider tes potes. Parce que tu rampes et tout, non. Tu mords les couilles des autres. Parce que tu peux avoir accès aux caméras de sécurité. C'est ça qui est bien aussi, c'est que dans la map, dès le début, tu arrives dans des endroits où tu as des installations de caméras de surveillance. Et à n'importe quel moment du jeu, que tu sois vivant ou que tu sois mort, tu as un petit smartphone où tu peux avoir accès aux installations de dehors, de dedans, etc. et visualiser par où les mecs rentrent. Mais c'est vraiment la tactique poussée au maximum. Ouais, pas mal ça. Et alors t'as le délire aussi des petits drones qui roulent sous les portes et tout. Bah oui, ça, alors ça j'ai vu, ouais. À chaque début de round, quand tu es un attaquant, quand tu es une unité spéciale qui doit aller défoncer du terroriste, tu commences toujours avec ton petit drone à roulette. Et pendant t'as 30 secondes pour aller on va dire explorer un petit peu la zone et découvrir la bombe. Ça te la marque, tu peux marquer aussi les ennemis, et à partir de 30 secondes, boum, tout le monde part. Et alors là les gars, je peux vous dire, il y a vraiment une tension de dingue. Je sais qu'à l'époque où il y a eu les attentats en France, il y en a eu quelques-uns. Quand même, oui. Je pense à Toulouse, je pense Charlie Hebdo, Charlie Hebdo et compagnie. Ouais, mais Toulouse, j'étais devant ma télé tout le temps et je regardais en boucle BFM TV pour pas les citer. Pareil. Et puis j'ai assisté en direct. Enfin, t'entends les bruits, les bruits d'armes et tout. Et le sound design de ce jeu-là, eh ben, franchement, la claque, parce qu'il te fout les poils. Il te fout les poils. T'es dans une cave. T'entends en haut le petit plancher qui craque, t'entends le placo qui est en train de se péter, c'est génial, mais ça te rend parano quoi. Ah oui. Ça te rend parano tellement que tu te demandes si le son que t'as entendu c'est dans le jeu ou c'est chez toi. Ouais, mais ça, oui, ça m'arrive souvent. Mais presque, franchement, presque ça quoi. Et c'est terrible parce que tu vois, j'ai fait des sessions avec mon frère, on y joue qu'ensemble. J'ai pas encore joué tout seul parce que j'aime bien jouer en coop avec lui, on est solidaire et on a besoin de ça dans un jeu comme ça. Y a des moments, tu vois, tu peux aussi renforcer des murs. Tu as sur toi des attirails. Alors je suis désolé, hein, c'est un peu ni queue ni tête parce que je suis un peu foufou quand j'en parle, parce que j'ai vraiment aimé. quand tu commences en tant que défenseur, tu peux, si tu vois des trappes qui te font passer d'un étage à un autre, balancer une espèce de plaque métallique que t'agrafes, on va dire, au sol, et qui te permet de protéger justement cette voie-là pour éviter que les mecs, s'ils passent au-dessus, ils te passent à travers pour arriver en dessous, d'accord, tu vois. Putain. Et t'as le même système pour les murs, genre t'as des placos, tu vois que c'est une structure qui peut se défoncer, donc tu mets un espèce de portail où tu, avec ta manivelle, tu clipses le truc. Je vois trop le mec qui arrive avec un vrai portail, tu sais, le truc. Mais c'est et ça, tu vois, avec c'est... le FAMAS, le placo de 12. C'est ça. Et c'est un petit peu comme, tu vois, les... Bon, ma petite dame, je viens faire les bandes, là. C'est un petit peu comme les chevilles à placo où quand tu perces, ça fait un crochet derrière et qui vient s'accrocher. Ouais. Mais là, c'est le même délire. Donc, en fait, ce sont des structures qui ne peuvent pas déglinguer. Et tu te sécurises ta pièce comme ça. Alors après, ils peuvent passer par des endroits style les grandes portes, etc. Tu peux pas les bloquer. T'as juste une barricade en bois. Donc en gros, tu sais que c'est le truc à couvrir, quoi. Donc si tu couvres tout partout, t'es tranquille. T'as un endroit, c'est les fenêtres ou les barricades en bois d'encadrement de portes où tu dois y aller pour tout défoncer. Et quand tu es tranquille comme ça, que les mecs avec leurs drones, ils ont pas réussi, parce que tu les vois, les petits drones, quand t'es défenseur, tu les vois en train de circuler et tu les zigouilles pour éviter qu'ils trouvent justement la source où est la bombe. Et quand ils ont pas trouvé la bombe, que les mecs ils sont en train de chercher, que tout le monde, t'as toute ton équipe, parce que c'est du 5 contre 5, t'as toute ton équipe qui est blottie derrière des petits trucs, qui attend sans faire de bruit. Tu vois, t'as la pression. Et là, ta mère, elle rentre, elle fait à table. Non, mais t'as une espèce une droite, direct. T'as une pression qui monte. T'es à couvert, t'attends, t'entends les petits mecs. En plus, tu les entends parler parce que quand tu poses du C4 sur un truc et tout, ils ont toujours un petit son du style ouais, C4 posé ou des trucs comme ça, tu vois. Ça y est, je l'ai posé. c'est bon. J'ai posé moi, pêche. Et donc, ce genre de truc, tu peux les entendre, mais un peu étouffés, tu vois, parce qu'ils sont à l'étage. Et c'est vraiment le son dans ce jeu-là, il est ultra important. Je recommande le casque à tout le monde qui y joue. Et donc là, t'as toute ton équipe qui attend, le gun en train de viser comme ça, où t'as des petits mecs malins qui font des petits trous dans les placos et qui attendent, tu vois. Et puis ils disent, ouais, je l'ai vu à travers le placo, les gars, il arrive. Et là, t'as une putain de tension, vraiment. Et c'est top. C'est top parce que cette adrénaline, avant le rush, t'es là, tu dis, ils vont arriver, mais par où? Des fois, t'as pas tout pour te combler et tu te dis, c'est soit la fenêtre, c'est soit la porte. Et des fois, t'en as, ils te font l'arnaque. Ils vont péter un bout de porte et puis pendant ce temps-là, t'en as un qui passe par la fenêtre ou il te balance une grenade, une flash. C'est le bordel, hein. Mais c'est un bordel jouissif. Parce que vraiment, si t'es pas coordonné, tu te retrouves, bon, tu rages, hein, forcément. Moi, ça m'est arrivé de rager parce que je pense qu'il y a des mecs. Ils ont profité de la bêta, peut-être, je pense, un petit peu pour tâter du cheat. Je pense, hein. Je pense que y a des trucs qui étaient un petit peu trop au level. Je me suis dit, là, le mec, je veux bien te dire qu'il est doué, mais il y a des limites. Ah, ben, arrêtez les balles avec les dents. Non, mais bon, c'est le genre de mec. On est sur une bêta, le jeu est disponible depuis 2 jours et il va bouger et il va direct savoir que t'es là, boum. Une tête, une balle. Tu vois, bon, le jeu, ça fait pas des mois qu'il est sorti, ça fait pas des mois qu'on y joue. Bref. Donc c'est pas ça le plus important, mais je voulais dire que c'est un jeu, certes, il est en bêta, il y a des trucs encore à améliorer parce que t'as typiquement, je reprends le fameux montagne bordelais, c'est un mec avec un bouclier qui a un petit gun. Mais alors le gun, c'est une mitraille, c'est... Enfin, j'ai halluciné, je me suis dit bon les gars, OK, le mec il a couvert. Mais il est intouchable et il tue tout le monde. Donc t'as un petit peu d'équilibrage à faire. T'as encore un petit peu des bugs du style tu commences le jeu, t'es en train de tomber de la map. Tu ah oui, ceux-là je les aime bien. Bon voilà, ça m'est arrivé avec le petit drone. C'est des petits trucs comme ça à corriger, mais franchement rien de grave. C'est très prometteur pour avoir joué pendant plusieurs années à Counter-Strike, pour avoir joué, pour jouer moins récemment, mais depuis des années à Ghost Recon Online aussi. Voilà, je peux dire que je suis un fervent joueur de ce côté un peu tactique où tu joues à du FPS où tu es un peu tendu, il faut vraiment connaître un petit peu la map et t'as presque l'impression de faire un brief avec ton équipe en disant, tu sais, tu tapes des deux mains sur la table comme ça. Bon les gars, alors là aujourd'hui, on va passer par la chambre, il y a 4 fenêtres, il y a 2 portes. Toi tu passes par là, tu te postes ici. Tu vois, c'est vraiment cet esprit là, limite en gros t'es dans la caserne et tu fais tes plans. Il va vraiment falloir un meneur dans l'équipe et puis oui, je pense que oui. Je pense que oui. Le chat vocal est plus que vital sur ce genre de jeu, c'est clair. Mais vraiment du fun. C'est génial. Moi, j'en suis complètement fan et je suis en dépression totale d'attendre le 1er décembre pour que ça arrive. Ok. Ah merde, je suis désolé. T'inquiète. Je parle beaucoup. Mais ouais, c'est juste tip top. Je suis sûr que j'ai encore oublié de dire un tas de trucs. Mais c'est juste bien. Si y a des bêtas à venir encore, s'ils nous laissent la possibilité d'y jouer, je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez pour y jouer. Et franchement, vous verrez par vous-même à quel point c'est jouissif, à quel point c'est bon, à quel point c'est immersif. Et je pense vraiment, et je pèse mes mots, après je vais peut-être même me faire taper dessus par les puristes de Counter-Strike et compagnie, mais je pense vraiment que derrière la grille, là, il t'attend. Je pense vraiment que ça peut prendre le relais de CS. De Counter-Strike. Okay. Et je déconne pas. Ça, donc en... ça veut dire peut-être de nouvelles compétitions, nouvel e-sport dessus. Non, mais ça, c'est clair. L'e-sport dessus, c'est le futur, c'est sûr. Ok. Bon, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà. Ouais, carrément. Non, on continue d'en parler juste après le Scud, parce qu'on va être un petit peu à la bourre. Allez, les 20h, passez de quelques minutes. Vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous, on revient juste après Michael Moore, les poulets. À tout de suite. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. Allez, on est de retour, on est toujours en direct jusqu'à 20h30. Attends, je vais baisser le son parce que moi j'ai mis le son à donf. Ouais. Ah voilà. Dans, en régie. Ah mais je suis totalement fan de ce morceau de Michael Moore. Mais il fait du bien. Ouais, c'est du feel good et c'est ça qu'on veut dans La Voix du Geek. Attends, je m'entends encore. Voilà. Hop, maintenant Oula. C'est mieux. Nous aussi on t'entend encore. Ouais. Mais la moitié de la France nous entend encore. Tiens, on va parler de Blood Bowl un petit peu alors. Attends, je vais balancer la bande son. Hop. Donc c'est la même que tout à l'heure. Voilà. Juste. Magie du spectacle, mesdames, messieurs. Tout ça, c'est tout ça. C'est la BO de Blood Bowl. Ouais, du 1, parce que la 2 n'est pas disponible. Donc dans l'idée, Blood Bowl 2, donc édité par Focus, développé par Cyanide, c'est sorti le 22 septembre 2015. C'est un jeu de sport stratégie. C'est interdit au moins de 16 ans. C'est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Est-ce qu'on fait d'abord un petit point sur l'histoire, non, mais sur un petit peu l'évolution de ce jeu. Mais écoute, je t'en prie. Ok, alors ça veut dire, j'en sais rien, fonce. Je l'ai compris. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, en fait, c'est le deuxième épisode, et donc c'est un jeu qui pourrait tromper son monde. Et qui a dû en tromper plus d'un. On va être plus clair là-dessus. Exactement, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a une campagne publicitaire un petit peu spéciale depuis le départ. Un peu mensongère, on va dire. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu. Donc qui est tiré de la licence Warhammer, exactement. Donc c'est des jeux de plateau à la base, donc des jeux de société. Voyez les petites figurines, tout ça, chers auditeurs, qui sont à peindre. Game Workshop, il y a sûrement des boutiques pas loin de chez vous. Donc c'est tiré de cet univers-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu. Pendant les publicités, on voyait du gameplay, mais on voyait les personnages courir. On aurait pu croire à un jeu en temps réel, comme un FIFA. Ou comme un Madden, pour être plus précis sur le bon gros jeu de football américain, hyper speed et bien bourrin et bien sale, bien gore, parce que tous les coups sont permis. Quoi. Ouais, alors c'est le cas, sauf que c'est du tour par tour. Donc au sujet de l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire vu que c'est un jeu de sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en fait, si il y a quand même une campagne. Ce qui avait été beaucoup reproché au premier épisode, c'est qu'il n'y avait pas de tutoriel. On était un peu lâché dans la nature. Alors je sais pas si tu te rends compte qu'au goût de ce jeu sans tuto, quoi. Ah non, ouais, c'est j'imagine même pas. C'est un truc de ouf, quoi. Et en fait, du coup, ils ont créé une petite campagne qui nous permet d'évoluer au fur et à mesure des matchs, qui est assez longue. Hein, Kogu va nous en parler dans un instant. Tout à fait. Mais en fait, la petite histoire, c'est qu'on récupère une équipe de football américain un peu en déclin. Enfin, une équipe de football américain, non, une équipe de Blood Bowl un peu en déclin. Et il faut réussir à la faire. À l'amener au sommet, quoi. À l'amener au sommet. À la Olivier Tom. C'est un peu ça. Donc je sais pas, toi la campagne t'as beaucoup plus avancé que moi. Moi j'ai fait que 3 matchs et je suis bloqué au 3ème, j'arrive pas. Alors la campagne, je suis allé un petit peu plus loin que la moitié. J'atteins presque les 60% et je n'ai fait qu'une dizaine de matchs. Mais, là où, parce qu'il y a un mais, c'est-à-dire que 10 matchs dans cet univers-là, ça correspond à peu près entre 10 et 20 heures de jeu. À 10 vies. En fait tu joues à Blood Bowl, tu vois ta bobard pousser. C'est ça. J'ai commencé le premier match, ma fille venait de naître. Le dernier match, je l'ai fini, elle a passé son bac. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on disait la semaine dernière, hein, c'est qu'en jouant à ce jeu, je me suis quand même endormi. Ouais. En direct. Ah ouais, non mais carrément. C'est pas mal. Carrément. Bon, faut dire qu'on était fatigués, on avait eu du champagne à 11h le matin. Oui, c'est vrai, on venait de la conf de presse de Mandora pour Animasia. C'est ça. Qui se tient le week-end, non, dans 2 semaines, donc ça va, on a le temps de vous en parler. Et on l'a testé, et en effet, on s'attendait pas à ça, et ça n'a pas été la bonne surprise. Parce qu'en définitive, ce côté tactique, où en plus au début du tutoriel, on va dire toutes les phases, enfin les différentes phases qu'on va essayer de mettre en place pour essayer de soit attraper la balle ou soit d'aller vers l'embut adverse et tout ça, ça prend un temps de ouf. Il faut sélectionner tous ces personnages un par un, leur dire toi tu te positionnes là, toi tu vas aller là-bas, dans la mesure où lui va faire ça, toi tu vas aller te coller derrière lui. Et au début, c'est pas chronométré. Quand on avance un peu plus dans la campagne, tout d'un coup, il y a un timer qui se met. Tu as 4 minutes pour commander toute ton équipe. Et sachant que ce temps encore après réduit. Et c'est là que prend la grosse, grosse, grosse dimension tactique de ce jeu. Carrément. Alors le truc, voilà, c'est que c'est du tour par tour. Donc comme le jeu de société, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on jette des dés. Et qui dit dés dit hasard. Et qui dit hasard dit pas l'infernal. Dit malchance. Oh putain. Alors je sais pas hein, si c'est un algorithme à la con, j'en sais rien, mais moi c'est une tannée, hein, comme je le disais sur le stream, voilà, moi tous les jours il y a du hasard, genre Mario Kart, je suis dernier, tous mes cadeaux c'est des pots de banane. Tu vois un peu dans quel contexte j'évolue. Donc voilà, du coup, au début on place nos joueurs, et ensuite, donc voilà, on les déplace un par un, et en fait on a le droit à une action par personnage. Certains d'eux, par exemple le Blitzer... En fait, celui qui va donner un coup, celui qui a le petit accent, le petit éclair au-dessus de sa tête, lui, il peut bouger après avoir donné un coup en loose dé. Voilà, c'est-à-dire que chaque classe de personnage va avoir un nombre de. Alors le mouvement, hormis pour le blitzer, c'est à chaque fois un mouvement par personnage. Mais par exemple, un ramasseur va pouvoir parcourir, on va dire, 6 cases sur le terrain qu'un lanceur ne pourra en parcourir que 4 ou 5. Voilà, pour donner un exemple. Un peu comme le jeu d'échecs où le cavalier se déplace de 1 et de 1 sur le côté. Là, pareil. Il y a un petit peu cette mouvance-là où il se déplace une seule fois, mais pas tous de la même façon. Ouais, voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup penser aux échecs. Comme tu l'as dit, donc voilà, dans la campagne, on commence, on est humain. Mais il y a plusieurs races. Hein. J'ai la liste sous les yeux. Il y en a 8 pour l'instant. Et quand tu finis de jouer, t'es zombie sur ton canapé. Il y a 8 races. Il y a 8 races pour l'instant. Ils en prévoient 12 en DLC, évidemment. Donc on a les humains, les orques, les nains, les skaven, les hauts elfes, les elfes noirs, les chaos et les bretoniens. Donc voilà, on a toutes ces races, puis qu'on voilà plus ou moins leurs capacités. Hein, les nains et les orques sont beaucoup plus bourrins. Par exemple, les nains, ils vont pas se déplacer très vite, mais par contre, ils vont taper très très fort. Espèce de salaud. On va dire les bretoniens, ce qui ressemble le plus aux hommes, en fait, eux, ils vont avoir droit à un colosse dans leur équipe. Oui. Donc un gars qui fait à peu près 4 mètres pour 200 kilos, qui lui, généralement, quand il te serre la main, voilà. Et par exemple après t'as les hauts elfes, eux ils sont pas très très bons au corps à corps, mais par contre ils tracent super vite et ils sont spécialisés dans l'esquive, donc voilà. Et également le gameplay et fonction un petit peu de la race qu'on choisit dès le départ. C'est ça. Alors voilà, le truc c'est qu'on peut, si on le désire, courir d'une case à une autre. Encore faut-il avoir un petit peu de chance, mesdames, messieurs, ce qui est pas mon cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le personnage se prend un petit peu les pieds dans le tapis, il se prend les pieds dans l'herbe et il se casse la gueule, et donc, bah, du coup, ça fait un turnover, ce qui s'appelle, en fait, à chaque fois qu'on shoot dans le ballon, non, qu'on prend un choc. Dès que tu perds la balle ou que tu dès que tu perds la balle, voilà. Dès que tu perds la balle. C'est au tour de l'autre joueur. Donc, en fait, il y a deux fois, donc il y a deux mi-temps, enfin, il y a une mi-temps, il y a deux fois huit manches où on joue chacun notre tour. Donc du coup c'est voilà, le truc c'est que on prend beaucoup de temps à déplacer tous ces petits personnages, à courir, hein, puis on arrive à la mi-temps et tout est remis à zéro, quoi. C'est ça. Et c'est que des fois on peut être à 1 mètre de l'embut et de la ligne de touchdown. C'est ce qui si on est sur la fin de la 8e manche, qu'il y a une erreur, que ça doit passer au joueur suivant, mi-temps. Et ouais, et en plus il faut compter une bonne heure par match. Ah oui, ben nous donc, on a fait 2 matchs l'autre jour, on avait 2 heures pour streamer chez Geeking, on a voulu faire 2 matchs, on n'a pas fini le deuxième. Et non, on était presque à la mi-temps, quoi. Donc voilà, c'est des matchs qui sont très longs, quoi. Et le souci, c'est que voilà, il y a le gros côté chance ou malchance, et voilà, dès qu'on arrive à côté d'un ennemi, qui est le ballon ou pas, quoi. On peut jeter les dés, ils tournent, ça fait le petit son, et puis là, on voit si, bah, si on a fait une tatane ou si on n'a pas fait une tatane, quoi. Et en fait, chaque personnage a un petit pourcentage de pas de malus, mais pas loin. Oui, si, c'est ça. Ouais. En fait, on sait s'il peut courir assez loin, si c'est orange, si c'est rouge, orange ou vert. Tu peux être sûr que voilà. Mais par exemple, même moi, j'ai eu mes personnages avaient 67% de rattrapage. Je sais plus comment ils appellent ça le terme. Oui, c'est ça. Il y a attrapage, hein, à de 67% récupération. Ouais, récupération, ouais. Et à chaque fois, il fait tomber par terre. Moi, j'ai eu le joueur, genre, il ramasse la balle qui est une case à côté de lui, il la prend, il la fait tomber. Et il envoie 10 cases plus loin. C'est ça, dans les mains d'un autre gars qui est dans l'autre équipe. Non, mais ça m'a fait halluciner parce que t'as eu une série comme ça où trois fois d'affilée t'essaies de l'attraper, trois fois tu la perds et elle finit chez les mecs. Ah ouais, non, mais ça c'est hallucinant. C'est mon quotidien. Ça c'est hallucinant. Par exemple, t'as l'ogre chez les personnages un peu humains, celui qui fait 4 mètres et 200 kilos. Lui, il tape très très fort. Mais par contre, à un moment donné, tu vois, il a une capacité, je crois qu'il s'appelle cerveau-volant. Oui, cerf-volant, hein, voilà, il s'appelle. Et ben, tout simplement, là, tu vas lui dire, bon, lui, tu parcours ces deux cases et tu vas lui mettre un énorme coup de boule. Et en fait, il va juste faire, il va pas bouger. Parce que cerf-volant, le temps que ça vienne au cerveau, il a pas compris. Donc, des fois, pendant deux tours, tu vas pas pouvoir l'utiliser parce qu'il est juste trop con. Oh, hein, qui... voilà. Ouais, ouais, donc, ouais. Hop, t'es là, ben, toi, tu pensais pouvoir jouer. Chose aussi qui fait rentrer un petit peu de tactique, c'est que du coup, par exemple, tu vois, t'as le ballon qui est juste à tes pieds, t'as qu'une envie, c'est de dire, je vais aller le récupérer. Ben, grosse erreur, parce que si la personne qui récupère, d'emblée, on va dire, c'est à toi de jouer, si ouais. tu déplaces pas tous tes joueurs qui tu ont eux une capacité en fait de mouvement, bouger, aller taper d'autres, si tu pars direct avec un lanceur qui va rattraper cette balle, s'il lâchit à la première action, ben, tous tes 8 autres joueurs qui auraient pu jouer, ben, tu t'en sers pas, et ça l'adverse de, donc en fait, faut monter carrément une construction de terrain où ça va être à toi de jouer, sans toucher à la balle, tu vas essayer déjà de protéger tout le devant de ton ballon, ou protéger le porteur qui a eu la balle. Et voilà, c'est un jeu où tu construis petit à petit pour aller vraiment étape par étape vers le touchdown, mais ça dure des plombes. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit avec l'Infernal, parce que on avait remarqué justement que l'ennemi, quand il jouait, il déplaçait d'abord tous ses autres personnages. On se dit, mais il est con, pourquoi il touche pas le ballon? Parce qu'il y a plus de chances de le foutre en l'air. Alors après, il l'avait déjà dans les mains. Donc. Effectivement, il savait que s'il se chiait ou s'il se prenait un coup d'épaule, c'était fini pour lui. Donc, ouais, effectivement, je pense que t'as un vrai enjeu tactique derrière où tu gères ton équipe. Et puis, tu gères ton équipe, par exemple, pour attaquer un ogre, on va dire qu'il va avoir une valeur, c'est pas noté, mais on va lui donner, je sais pas moi, 500 points. Il a 500 points. Toi, ton joueur, il a 100 points de force, on va dire. Eh bien, il va falloir que tu te ramènes avec 4 autres potes autour de lui, pour qu'il puisse être à un niveau auquel tu peux le taper, parce que des fois le personnage, les dés sont rouges au-dessus de sa tête parce qu'il est beaucoup trop fort pour toi, et même si t'as une super attaque, ça lui fera que dalle. Et donc du coup t'es obligé, avant de le taper, d'amener des joueurs à toi autour de lui pour lui faire baisser du coup un peu son ratio, ou toi augmenter en tout cas ta force de points. Et en effet, tu feras plus mal si t'as 4 gonzes autour de toi, comme dans la vraie vie avec les gangs, comme dans la vraie vie. C'est ça. Non, mais ouais, moi c'est un jeu que j'ai trouvé. Alors après, je savais pourtant à quoi m'y tenir, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop mou, quoi. Ça m'a vraiment saoulé. Tu vois, pour que je m'endorme quand même en jouant, c'est voilà. Et puis moi, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que voilà, tu mets gavé de temps à faire toute une stratégie, puis au final, voilà, c'est la mi-temps ou tu vois le mode campagne, le troisième match, hein, pourtant voilà, sur une vingtaine peut-être. J'ai reçu un texto ce jour-là en mettant je pète un câble, mais impossible à finir, quoi. À chaque fois, tu vois, et au final, un moment où je me suis dit, allez, c'est bon, je m'accroche, tu vois, pour l'émission, faut que j'essaye quand même. J'ai fait un partout, quoi. Et donc, il a fallu que je recommence le match, tu vois. Bah là, j'ai abandonné, quoi. Ça m'a saoulé. Alors, vous pouvez sauvegarder vos parties, mais en fait, à la mi-temps seulement. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer, sauvegarder que la première mi-temps si vous gagnez. Ah, c'est reparti. Putain. Il y a de plus en plus de pubs, c'est affreux, quoi. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Si, tiens, il y a nos deux sympathiques, attends que je retrouve, Jim et Bob. Les commentateurs, donc ça c'est pas si mal fait. Il y a des cutscenes où on les voit un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui est bourré d'humour. C'est vraiment la sauce. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Niveau humour, on en parle ou pas? Parce que j'ai pas trouvé. Ah, c'est un peu lourdingue. Hein, moi, j'ai carrément le gros Bob, le présentateur, qui est venu me filer un coup de main sur le terrain. Ah oui, comme toi qui te fais péter la gueule par les supporters. Ah oui, carrément. Truc attention, de vague de supporters et il lui défonce tous ses joueurs. C'est ça, à chaque fois que tu sors en fait un équipier du, enfin un joueur du terrain, tu le sors et là généralement c'est la foule qui lui tombe dessus et qui le savate à coup de pied en plus. Ah ouais, non mais clairement, ce qui est pas mal aussi c'est qu'ils ont fait un petit lien avec la réalité, donc il y a aussi un Facebook, aussi un Twitter qui ont d'autres noms. Ils disent tiens, ah oui, ils viennent de tweeter je sais pas quoi. Ils ont une émission de télé qu'ils regardent aussi qui s'appelle Game of Gnome. Joli. Donc ouais, il y a plein de petits clins d'œil comme ça au monde réel, donc ça c'est pas mal. Graphiquement, qu'est-ce que t'en as trouvé toi Kogu? Je trouve que les personnages sont bien modélisés. Ouais, ça va. Les orques sont fort pas beaux. les nains sont fort petits, mais respire, voilà. C'est que des Gimli, de toute façon. Mais, oui, c'est vrai. C'est toute sa famille est là, toute bien habillée, toute bien peignée. Mais graphiquement, moi, je le trouve très bien. Ça colle très très bien à l'univers. C'est très cartoon. Très. Carrément. Qu'est-ce que je veux dire? Si, moi, un truc qui m'a fait rire, c'est que les personnages, quand ils courent, ils font un peu le bruit des Romains dans Astérix. Ah oui. Un bruit de vaisselle, hein, pas de vaisselle, mais de toing, toing, ils font, un bruit de métal. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a la météo qui change. Alors, parfois, il se met à neiger, donc ce qui fait que ça glisse un peu, quoi. Alors, non seulement ça glisse, mais en plus, le fond d'écran, on va dire, a un filtre bleu. Ce qui fait que chaque joueur t'as froid dans la vraie vie de ton équipe ou de l'équipe adverse se ressemble. Ah bon? C'est-à-dire, ouais. J'ai pas été jusque là. Eh ben, si, quand on a joué ensemble, tous les deux, on a été. J'ai déjà occulté ça de ma vie. Quoi. En truc divers, en fait, je n'arrivais pas à différencier mes joueurs des siens, et du coup, ça rajoute à la difficulté à trouver quel est ton joueur. Va falloir que tu regardes bien l'armure, que tu zoomes dessus. C'est vraiment là pour le coup, la météo, elle t'embête vraiment, quoi. Yes. Et toi, tu m'avais dit que t'avais avancé vachement plus. Et tu t'étais tombé sur des délires un peu... Ah oui, moi je me suis vu faire des matchs contre des mecs montés carrément sur des espèces de mini tractopelles avec des gros gourdins en bois avec des clous dessus. Ce genre d'équipement-là, ils font très très mal, mais par contre ils ne peuvent se déplacer que de deux cases. Mais par contre, quand toi t'es sur les deux cases à côté de lui, ouais, là faut vraiment que tu bouges parce que quand il te touche, il te one shot. Yeah, je fais juste une parenthèse. Si Kalec nous écoute toujours, parce que c'est un gros spécialiste. J'espère qu'on dit pas trop de conneries, mon poulet. Et d'ailleurs, j'en profite, je lui fais un gros bisou. Je lui dédicace également à son collègue de bureau, Vincent. Yes. Parce que du coup, Kalec l'a débauché. Donc il y a une société qui s'occupe de faire des sites internet où il y en a deux qui bossent pas des masses. qui regardent les streams. Voilà. Ils viennent ici et d'ailleurs, ils sont en train de faire tourner une petite pétition parce qu'ils n'ont plus suffisamment de bande passante pour nous regarder en HD. Donc en tout cas, merci Kalec et merci Vincent parce que c'est grâce à eux, et notamment Vincent qui s'y connaît très bien, qui m'a expliqué les bases du jeu. Et si j'ai été si loin, c'est grâce à lui. Donc voilà, merci poulet. Yes, qu'on embrasse. Je sais pas, il nous reste un petit peu de temps. En conclusion, à qui... Vas-y, Dandy, on t'a pas beaucoup entendu. Non, si tu veux, en conclusion, moi, enfin, de ce que je me rappelle et de ce que j'ai vécu, c'est... en une partie peut-être 137 bâillements, 3 assoupissements, ouais, quelques crampes. Il faut pas y jouer après un bon gros repas le midi. Oui, c'est vrai. C'est pas la peine, vous oubliez. Et ni le soir tard. Donc ouais, toi Dandy, qu'est-ce que t'en as pensé comme ça là? Bon, après j'y ai pas joué, c'est un petit peu dur d'être objectif parce que de base c'est pas du tout le genre de jeu auquel j'aime jouer parce que justement le tour par tour. Il y a vraiment juste dans Pokémon où je trouvais que ça collait bien, où j'aimais ça. Sur un jeu sportif, pour moi, il faut que ce soit plus vif que ça. Il faut que ça. Ouais. Moi, c'est pas ma came. Après, je comprends aussi. J'ai discuté avec des pros Warhammer au magasin et je leur fais un coucou d'ailleurs s'ils écoutent. J'ai appris aussi d'eux, ils m'ont expliqué quelques trucs, j'ai fait oui, je peux comprendre qu'on peut aimer, je peux comprendre aussi que des gens détestent. Moi c'est vrai que ça n'a pas du tout été ma came, mais je trouve le côté tactique bien foutu, même si j'y ai pas joué du tout. J'ai fait que regarder l'Infernal et un petit peu toi aussi. Ouais, un petit peu. Mais j'ai pas vraiment d'avis objectif sur la chose. Quoi. Bah, je suis sans avis. Grosso modo, c'est un jeu qui a été vendu, et que ce soit en publicité ou tout ça, ça a été vendu comme un jeu grand public. Et en définitive, c'est un jeu assez élitiste, vraiment dédié pour la communauté Warhammer et vraiment fait pour elle, parce que voilà, ils ont déjà tous les réflexes, tous les trucs, oui, voilà. Ils sont déjà dedans. Donc pour quelqu'un qui connaît pas bien la licence, ben comme nous, ben voilà, c'est très dur de rentrer dedans tout seul. Et ben si vous avez la chance, que vous avez quand même envie de le faire, si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui connaît un petit peu dans le domaine, n'hésitez pas à vous faire aider dessus, parce qu'il y a deux trois petits trucs, ça a l'air tout con, mais ça va vous changer la vie sur le jeu. Si vous le savez pas, ben vous allez faire comme l'Infernal et moi, galérer vraiment pas mal. Mais sinon, voilà, à partir du moment où vous connaissez ce genre de jeu, vous aimez la licence, allez-y, il est pour vous. Yes. Ben moi, je suis un peu ton avis, quoi. Après, moi, c'est vrai que c'est pas du tout ma came. Déjà, les jeux de sport en règle générale, hein, je suis pas hyper fan. Je trouve en plus que les règles des jeux Madden en règle, enfin, tu vois, sont toujours hyper obscures. En plus, nous, on n'a pas de peau parce que la France, c'est vraiment un pays où on se tape tous les jeux EA Sport, que ça soit le hockey ou Madden, par exemple, qui sont jamais traduits. Pourtant, c'est ceux qui ont les règles les plus complexes. Tout le monde s'est déjà retrouvé une fois à vouloir essayer la démo de NHL, je sais pas combien, et puis de bugger sur le menu en se disant ah, attends, c'est vrai quoi. Et là, j'ai eu un peu cette sensation aussi d'être hyper perdu. Je me suis senti noob, mais un truc de ouf quoi. Après, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un jeu, tu vois, où tu fais un petit match de temps en temps. Voilà, c'est faut le garder, se dire bon allez tiens, aujourd'hui j'ai 4 heures à tuer, je vais faire un match. Bon, j'ai rien de prévu sur les 20 prochaines années, je vais faire le platine quoi. C'est ce qu'on se disait, parce que bon, je pense qu'il peut platine, se prêter quoi. Quand même à l'e-sport ce jeu du coup, parce qu'il y a une vraie réflexion et un vrai enjeu de gaming derrière. Mais par contre, s'ils font des compétitions à 1 heure par match, faut prévoir un week-end pour faire jouer 4 personnes. Non, seulement si c'est le père Fouras qui anime le truc. Ah oui, bon, là, un tournoi sur la semaine, il faut là. Ah, clairement. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour. C'est difficile de lui mettre une note. Moi je suis pas du tout objectif. Mais écoute, moi je dirais juste que c'est un jeu que je ne pensais pas aimer. Je voulais quand même l'essayer parce que c'est ça, mesdames et messieurs, le journalisme, le professionnalisme. Et ben du coup, moi je me suis pris au jeu à aimer ça et à vraiment faire des soirées cogito à se dire bon, si j'y arrive pas par là, comment je vais faire et non vraiment. Moi, ouais. Ça m'est déjà arrivé de penser ça, mais c'était pas pour jouer à ça. Il aime se faire du mal. Un peu. C'est pour ça que je suis en couple. Et oh oui. On embrasse nos chéries respectives. Parce qu'on les aime. C'est ça. Yes. Bon bah c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste 3 minutes. La semaine prochaine, on va se faire dans le sang, les larmes, le test de Senseiya. Oui. C'est Soldier Soul. C'est le soldat sous. Oui, c'est comme ça que j'ai nommé mon stream. Le soldat sous. Soldier Soul. Et puis en face, on fera le test d'Afro Samurai, puisque c'est deux licences qui sont tirées de manga japonais. Bon, ça sent la casserole quand même. Hein. Oui. Entre les deux, mon cœur balance. Et encore pas tant que ça. Non, il y en a un. Enfin. Je pense que les Chevaliers du Zodiac est nettement meilleur. Ah ouais, tant que ça. Ouais, mais je pense que c'est pas compliqué non plus, parce que en effet, pour avoir vu du Afro Samurai là, c'est honnêtement, ils se sont moqués des joueurs, clairement. Et d'ailleurs, j'ai même appelé Sony hein, que pour leur dire, ils étaient hallucinés. Et ce qui est étrange, c'est que c'est un jeu qui est sorti, il y a pas de test dans la presse. Eh ben, on sait pourquoi. Ah ouais, non, mais clairement. Honnêtement. En général, ça sent pas bon quand il n'y a pas de test dans la presse comme ça. C'est un petit peu le cas de Tony Hawk qu'on testera dans l'émission. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Si, ça anime Asia bientôt. Alors mardi prochain, on risque de recevoir peut-être Romain et Johan. C'est en négociation. C'est en négociation. Je lui ai demandé sur Facebook en fait. Donc j'attends qu'il me réponde. En même temps, on est voisins, donc je pourrais limite aller toquer directement. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Bref, donc on les aura sûrement. Ils vont nous présenter le festival Animasien, donc qui se tient le week-end prochain, pas celui-là, celui d'après. Oui. Hangar 14 à Bordeaux, sera sur la Corée. Nous, on ira faire un tour là-bas, et puis on vous racontera tout ça quoi qu'il arrive. Et puis putain, ça tombe le même week-end que la bêta alors. Ouais, carrément. Ok, Mélanie, je sais que tu m'écoutes. ça va être un week-end compliqué. Essaye de voir avec tes copines si elles ont pas des trucs à faire avec toi. À l'étranger. Non, pas à l'étranger. Carrément. Mais ça va être un week-end compliqué. Je pense que je vais pas beaucoup dormir. Mais c'est quand même la bêta de Star Wars. Et voilà, c'est comme le jour de sortie du film Star Wars. Faudra pas me demander grand chose. Tiens, comme dire, va te faire foutre. Non, c'est pas vrai. Tiens, bah, c'est un tweet. Alors attendez, je vais le lire vite fait avant qu'on rende l'antenne. Qui c'est-il? Eh ben non, c'est pas, ça a rien à voir. C'est boulangerie Jeannot. Bon bref, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Kogu. Merci l'Infernal. Ben de rien, merci Dandy. Merci l'Infernal. Et puis normalement la semaine prochaine, tout le monde est là. On vous souhaite une bonne soirée, il y a rien à la télé, on reste sur O2, il y a du bon son qui arrive et puis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Allez, bisous, ciao. Retrouvez O2 Radio en ligne sur oderadio.net. O2 Radio, la radio des Hautes-Garonne.